on va parler d'un sujet qui vous concerne il y a peu, on va parler de la grippe. Ah, oui. Il y a 100 ans, le monde connaissait la pire pandémie de grippe de son histoire, la tristement célèbre grippe espagnole, qui en une saison a fait entre 50 et 100 millions de morts sur la planète, soit de 2 à 5 fois plus que la Première Guerre mondiale qui se terminait tout juste. Aujourd'hui, la grippe continue à être surveillée de très près par les autorités sanitaires parce que si les conditions ne sont évidemment plus les mêmes qu'en 1918 grâce aux vaccins et aux médicaments antiviraux, la grippe continue de tuer chaque année des centaines de milliers de personnes et une nouvelle pandémie suite à une mutation du virus n'est pas à exclure. Une histoire virulente, c'est le problème que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous plonger dans l'histoire de la grippe et comprendre pourquoi aujourd'hui encore cette maladie laisse planer des inquiétudes quant à la possibilité d'une nouvelle pandémie, je le disais à l'instant, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon, Bruno Lina, bonjour. Bonjour. Vous êtes virologue au Centre National de Référence de la Grippe à Lyon. Nous sommes ici en studio à Paris à la Maison de la Radio avec Patrick Zilbermann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire de la santé à l'École des hautes études en santé publique et vous pouvez nous suivre comme chaque jour, vous le savez, sur les ondes et en parallèle sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors tâchons pour commencer de ne pas verser dans le catastrophisme le plus sombre. Une épidémie de grippe de l'ampleur et de la gravité de celle d'il y a un siècle ne serait plus possible aujourd'hui. Néanmoins, on voit régulièrement ressurgir ce spectre, le mot pandémie qui est souvent agité. Récemment, au forum de Davos, où il y a eu une table ronde consacrée à cette question, est-ce qu'aujourd'hui, Patrick Zilbermann, une grippe de l'ampleur de celle de 1918 est totalement exclue ou est-ce qu'aujourd'hui, une grippe de cette gravité-là peut de nouveau ressurgir? Alors, le mot gravité pose problème. En général, c'est pas le sujet. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que nous ne vivons plus dans le même monde qu'en 1918. On a une connaissance de la grippe assez substantielle, connaissance qui n'existait pas. Enfin, on en reparlera, mais en tout cas sur le plan virologique, oui. N'existait pas du tout en 1918. On a des médicaments, on a les services de réanimation aussi, créés en 1968, précisément à l'occasion de la troisième pandémie du siècle. Il faut se souvenir qu'en 2009, les services de réanimation ont récupéré 80% des cas graves. Donc on a un armement, si vous voulez, scientifique et thérapeutique, préventif avec les vaccins, même si le vaccin contre la grippe pose problème en termes d'efficacité, qui n'ont évidemment rien à voir avec le monde de 1918. Donc ce qu'on peut dire, c'est que une grippe du type de celle qui a sévi en 1918 ne pourra probablement jamais se répéter. Ça ne veut pas dire que la grippe pandémique en l'occurrence, n'est pas un problème, mais c'est un problème d'abord et avant tout aujourd'hui pour la désorganisation des sociétés, pour la paralysie de l'économie, pour les coûts faramineux qu'une pandémie peut engendrer. Bruno Lina, sur cette question. Je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire que la situation de 1918 était une situation qui était particulière dans le sens où on était à la fin de la Première Guerre mondiale. C'était un chaos partout en Europe. On peut imaginer que d'un point de vue sanitaire, déjà sur le fond, c'était aussi épouvantable qu'on pouvait l'imaginer. En tout cas, des images qu'on peut avoir sur les images du front montraient à quel point finalement, en termes d'hygiène, en termes de tout ce qui peut faire aider, lutter contre une diffusion d'un virus, n'était pas en place. Par ailleurs, la grippe a certes tué beaucoup de monde, mais il faut bien se rappeler aussi qu'une part importante de la mortalité observée était liée à la surinfection bactérienne, avec notamment l'Haemophilus influenza, qui est une bactérie qui a été découverte au cours de la pandémie de 1918, et c'est pour ça que cette bactérie s'appelle influenza d'ailleurs. Il y a eu aussi des surinfections à staphylocoque. Donc l'arsenal thérapeutique, il va au-delà simplement des antiviraux, mais aussi des antibiotiques, et il est clair qu'on est nettement mieux armé aujourd'hui. Donc si la pandémie de 1918 devait arriver en 2018, il ne se passerait pas du tout la même chose. Maintenant, il faut juste qu'on soit un tout petit peu prudent. L'adage que l'on a, nous, virologues qui nous occupons un petit peu de la grippe, c'est qu'il faut toujours prévoir le pire pour espérer le meilleur. Et la prévention du pire, on a vu de temps en temps les défauts que cela peut entraîner. Hein, c'est-à-dire que quand en 2009, on a vu apparaître la pandémie H1N1, on avait imaginé un scénario du pire qui était vraiment épouvantable hein, quand on y repense. Et ce scénario du pire avait été basé sur un risque qui était lié à la grippe aviaire, H5N1, où on avait des taux de mortalité qui étaient extrêmement élevés. Mais malgré tout, et je rejoins ce que dit M. Zilberman, il y a aujourd'hui, il ne se passerait pas la même chose, même si on a un virus qui potentiellement peut être même plus virulent que celui de 1918 en termes de mortalité induite, parce qu'on a de nombreux outils pour lutter contre cette infection. Alors, pour revenir hein, sur l'histoire, on note hein, trois grandes pandémies de grippe au XXe siècle, 1918, 1957, 1968, et une grande pandémie, vous venez de la citer, celle de 2009, l'épidémie de grippe H1N1. Écoutez. Hôpital de Bray à Paris. Rien que ce matin, 150 patients ont poussé la porte des urgences pédiatriques. Des enfants avec un train de fièvre ou un nez qui coule et des parents sur les dents, avec en tête une obsession, la grippe A. Donc, ce qui vous a inquiété... Ici, depuis une semaine, les jours se suivent et se ressemblent. Une affluence record, 80% d'activité en plus pour les médecins. Des médecins qui en appellent à plus de raisons concernant cette grippe. En Île-de-France, les consultations pour la grippe A ont augmenté de 55%, 167 000 personnes en une semaine. Les hospitalisations ont fait un bond de 77%. Ce qui entretient la psychose, c'est que l'épidémie est bel et bien là. Quoi qu'il en soit, la fièvre à elle seule ne justifie pas d'aller aux urgences. Les médecins hospitaliers demandent aujourd'hui aux familles de consulter en priorité les médecins de ville. Voilà, et regardez cette carte pour avoir une idée bien précise de la pandémie. C'est en Alsace qu'il y a le plus de cas confirmés de grippe A, 528, 379 dans le nord Pas-de-Calais, et vous le voyez, plus de 200 en Poitou-Charentes, en Champagne-Ardenne et en Midi-Pyrénées. Voilà une archive de 2009 hein, de cette pandémie, comme vient de le dire la journaliste, de grippe H1N1, de grippe A. Patrick Zilberman, une réaction peut-être, parce que vous aussi, vous parlez de fausse pandémie pour cette épidémie de 2009. Est-ce qu'il faut dire non, c'est une vraie pandémie? Oui, je n'ai jamais parlé de fausse pandémie. Non, je ne suis pas du tout de ce côté-là. Ni de fausse pandémie, ni de prétendue pandémie inventée. Non, c'était une véritable pandémie et elle montre bien la caractéristique de la pandémie. La pandémie, c'est un taux d'attaque élevé, c'est-à-dire beaucoup, énormément de cas et une mortalité très modérée. Alors évidemment, une fois que vous avez dit ça, quand vous regardez l'excédent de mortalité, comme c'est proportionnel au nombre de cas, ça peut monter très haut. Mais si vous voulez, le niveau de mortalité n'entre pas dans la définition de la pandémie. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de très nombreux cas à travers le monde en très peu de temps. C'est ça une pandémie. Donc, si vous voulez, 2009 n'est pas du tout une fausse pandémie. C'est une vraie pandémie. Simplement, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que au fur et à mesure qu'on va, si vous voulez, de la première pandémie étudiée scientifiquement, c'est-à-dire de la pandémie russe de 1889-1890 jusqu'à 2009, on voit, si vous voulez, la mortalité diminuer et même parfois la mortalité pandémique être en dessous des mortalités de la grippe saisonnière. Donc c'est ça qui compte aussi, hein. C'est que on sait. notamment au cours des polémiques en 2009 avec l'OMS, on s'est focalisé sur la mortalité, mais pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est l'incidence, la morbidité. Bruno, Lina, un mot sur cette, peut-être sur l'emploi, sur la distinction aujourd'hui que l'on doit faire entre une simple épidémie de grippe. On parle d'épidémie de grippe saisonnière et de pandémie. Quelle est la barrière, quelle est la limite de l'un à l'autre? La définition d'une pandémie, c'est finalement l'introduction d'un nouveau virus chez l'homme. C'est ça, hein, en gros, avec une diffusion de ce virus sans limite d'espace et de temps. Donc, c'est ce qui s'est passé en 2009. En 2009, si vous regardez l'état du monde en janvier 2009, il n'y avait pas d'infection par le virus H1N1 nulle part dans le monde. Et lorsque vous regardez l'état du monde au 1er janvier 2010, le virus était présent partout. Donc c'était un virus qui est sorti d'un réservoir porcin. C'est un virus qui est issu d'un réassortiment génétique, c'est-à-dire d'un échange de matériel génétique entre virus d'origine humaine, aviaire et porcine. Et ça aussi, ça fait partie des événements classiques fondateurs d'un virus pandémique. Hein. C'est ces échanges de matériel génétique entre virus qui sortent de différents réservoirs. Ce virus assemblé a les caractéristiques lui permettant d'être transmissible de l'homme à l'homme. Des premiers cas sont observés, et comme ce virus est parfaitement adapté à l'homme et que l'immunité de fond ne permet pas de bloquer la diffusion de ce virus, eh bien il diffuse de façon inexorable. Et il faut se rappeler que la dynamique, le taux d'attaque est quelque chose qui est tellement élevé à un moment donné d'une pandémie que finalement on a c'était très amusant de voir qu'on était en train de compter les nombres de cas, mais au bout du compte en France il y a eu des millions de cas et à un moment donné on a arrêté de compter parce que ça n'avait pas de sens, mais ça permettait en tout cas d'expliquer comme ça à la population cette dynamique croissante qui faisait que effectivement il se passait quelque chose et qu'on avait ce virus qui diffusait très bien d'une personne à l'autre. Entre la naissance qui était finalement le 24 avril 2009 de cette pandémie et le moment où il a été dit et démontré que le virus était partout sur Terre, il s'était passé 6 semaines. Donc c'est ça la dynamique d'une pandémie, un nouveau virus qui diffuse comme ça de façon inexorable et tout le monde peut potentiellement être touché par ce virus. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons de la grippe tout au long de cette heure, de la grippe saisonnière et de la grippe exceptionnelle, de la grippe pandémique, comme vient de la définir Bruno Lina. Est-ce qu'on peut peut-être remonter avec vous, Patrick Zilberman, au premier cas de grippe? Est-ce qu'on sait à partir de quel moment la grippe apparaît sur Terre, chez les oiseaux, chez les mammifères? À partir de quelle date on peut supposer qu'elle est arrivée ou à partir de quel moment aussi elle est passée à l'homme? Alors, et bien évidemment, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Pour deux raisons essentielles. D'abord, il faudrait pouvoir effectuer un diagnostic virologique pour les épidémies historiques. C'est possible pour la grippe russe de 1889-1890. On pense que c'est H2N2 qui circule à ce moment-là. Mais avant, c'est hors de question. Nous n'avons pas d'échantillon des virus précédents. Puis la deuxième raison, c'est que les signes de la grippe sont des signes non spécifiques, ça peut être un peu n'importe quoi. Donc dans la littérature, lorsque, avant la virologie, on nous décrit, si vous voulez, les symptômes de la grippe, eh ben on n'est jamais sûr de si c'est la grippe ou bien une bronchite ou bien une pneumonie. Donc c'est très historiquement, c'est un combat perdu d'avance, si vous voulez. De toute façon, la grippe, c'est une histoire, mais c'est aussi une légende. Et la légende nous en apprend beaucoup. Je ne sais pas si on aurait le temps d'aborder ça ici, mais par exemple, un des axes de la légende, c'est les influences météorologiques, influenza. Les influences météorologiques depuis l'Antiquité, depuis Lucrèce par exemple, depuis la nature des choses, eh bien la grippe, ça nous est décrit comme une combinaison. Les épidémies nous sont décrites comme une combinaison de miasmes atmosphériques et d'émanations telluriques. Et ça va durer jusqu'à l'épuisement de la médecine des constitutions dans la deuxième partie du XIXe siècle. Donc ça, c'est une partie de la légende. L'autre partie de la légende, un chapitre, c'est les noms de la grippe, par exemple. La grippe, ça porte tout à fait. D'abord, ça porte des noms géographiques. Vous l'avez remarqué. On parle de grippe russe, de grippe espagnole, de grippe asiatique, de grippe de Hong Kong. Il n'y a que la grippe de 2009 qui n'a pas de nom, à cause du politiquement correct, cette espèce de logique orwellienne qui supprime des mots et des phrases pour diminuer le domaine de la pensée. Qu'on a appelé la grippe aviaire, populairement. Non. C'est pas la grippe aviaire. La grippe aviaire, c'était H5N1. C'était autre chose. Et puis, là, il y a d'autres noms de la grippe. Il y a des noms. Par exemple, la grippe, c'est considéré comme une maladie bénigne. Donc, ça invite à plaisanterie. Et donc, beaucoup de noms de la grippe sont, par exemple, comme grippette, à connotation sexuelle. Grippette, c'est le féminin de grippard. Donc, voilà, c'est la chatte. Vous avez d'autres mots, comme petite poste, par exemple. Petite poste, dans le langage de la sexualité en français, c'est le coït. Donc, on joue avec la grippe, si vous voulez. On s'amuse avec la grippe. On s'amuse pour essayer d'écarter l'anxiété. Bruno Lina, sur cet aspect un peu historique des origines de la grippe, la première grippe documentée, c'est celle qu'évoquait Patrick Silberman tout à l'heure, c'est la grippe russe de 1889-1891, et encore, on n'est pas tout à fait sûr, si ? Alors, on est à peu près sûr, parce qu'en fait, on n'a pas le virus, mais on a des données sérologiques. Il y a des prélèvements de sang qui avaient été faits chez des individus, et on a pu montrer qu'ils avaient des anticorps contre ce sous-type-là particulier de virus H2N2. Donc, on fait l'hypothèse que c'était un virus H2N2. Le premier vrai virus, le virus le plus ancien qu'on ait cultivé, c'est celui de 1918. C'est un virus qui a été détecté par des techniques complexes qu'on appelle la génétique inverse et la PCR. Pour faire très simple, on est allé, quand je dis on, je n'y étais pas, hein, ce sont des chercheurs américains qui ont fait ça, ils sont allés dans le Spitzberg pour aller déterrer des corps de personnes qui étaient mortes de la grippe en 1918-1919 et qui avaient été enterrées dans le permafrost, en faisant l'hypothèse que comme le permafrost n'avait pas dégelé entre-temps, le virus avait été congelé et était resté comme s'il avait été stocké dans un congélateur à moins 80. Et donc, en prenant des biopsies de poumons de ces personnes qui étaient décédées de la grippe, en choisissant les individus qui étaient morts comme étant les individus qui étaient morts très rapidement de cette grippe, puisqu'on mourait en 2 jours parfois, eh bien, il a été possible par PCR d'amplifier, c'est-à-dire de recopier et de reproduire le matériel génétique de ce virus, puis ensuite de le cloner et de le reproduire dans un laboratoire. Et à partir de là, on a été capable de refaire complètement l'histoire de ce virus H1N1 de 1918, de lui définir son origine, qui était un virus donc d'origine aviaire, de comprendre qu'il portait des facteurs de virulence extrêmement importants, et notamment un des gènes de ce virus qui s'appelle l'hémagglutinine, était un gène qui, quand on le met dans un virus anodin, rend ce virus extrêmement dangereux. Donc ça nous a permis de comprendre des choses. En revanche, la première fois qu'on a été capable réellement de cultiver un virus à partir d'un échantillon biologique, c'était en 1934, et c'était un virus porcin. Donc vous voyez, on a pu remonter un petit peu le temps virologiquement, mais on n'a pas de données de certitude avant le virus de 1918, parce que de nouveau, il faudrait trouver des prélèvements et être capable d'identifier des patients malades qui, comme le disait Patrick Silberman, est quand même très très difficile à définir clairement en dehors de virologie. Patrick Silberman. C'est vrai que ce séquençage du virus H1N1 en 2005, pose de nouveaux problèmes, de nouvelles énigmes pour lesquelles on n'aura sans doute jamais la réponse. Parce que toutes les personnes sur lesquelles ont été prélevées ces échantillons sont mortes en septembre-octobre 1918, c'est-à-dire au fort de la vague létale, la vague très meurtrière de l'automne 1918. Mais nous n'avons pas d'échantillon du virus qui a sévi entre avril et juillet, c'est-à-dire la vague de printemps, qui, elle, a été une vraie vague pandémique au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire beaucoup, énormément de cas, très peu de décès, puisque nous n'avons absolument aucun prélèvement, aucune biopsie, etc. Donc la question, c'est de se dire pourquoi cette différence de pathogénicité entre le printemps et l'automne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le virus a muté ou bien est-ce que c'est deux virus différents? Eh bien ça, c'est une question qui a été posée, notamment par les chercheurs américains qui ont fait ce séquençage et qui, sans doute, ne trouvera jamais de réponse. Bruno Lina. Oui, c'est une vraie... On a des hypothèses, mais on n'a pas de certitude. On a des hypothèses qui sont basées sur le fait que, pour que ce virus d'origine aviaire, il avait des marqueurs, c'est-à-dire qu'on on peut dire, a priori, sur la base de la séquence d'un virus, c'est plutôt un virus d'oiseau, c'est plutôt un virus porcin, c'est plutôt un virus humain. Or, ce virus, qui était un virus très humanisé quand même, il continuait à porter un certain nombre de marqueurs qui étaient le reflet de du fait qu'il avait été aviaire à un moment donné. Et l'hypothèse que l'on a fait par rapport à cette bascule qui est très bien expliquée entre un nombre de cas assez important, une mortalité faible, et puis finalement une mortalité extrêmement élevée, on suppose qu'elle est due au fait que le virus s'est progressivement mieux adapté à l'homme, notamment par le biais d'un récepteur. Une des raisons pour laquelle les virus aviaires n'infectent pas ou n'infectent que très peu l'homme, c'est que la partie du virus qui est chargée de permettre au virus d'infecter les cellules, c'est donc une partie qui reconnaît un récepteur cellulaire, eh bien, elle n'est pas le même chez les virus aviaires et chez les virus humains. C'est ce le H de H1N1 ou H5N1, etc. C'est l'hémagglutinine. Alors, pour être plus précis que ça, c'est le site d'attachement au récepteur de l'hémagglutinine. C'est donc une partie fonctionnelle de cette hémagglutinine qui comporte une quinzaine d'acides aminés qui sont impliqués là-dedans et qui permettent de faire une spécificité d'hôte. C'est-à-dire qu'un virus avec un certain type de site d'attachement au récepteur va infecter les oiseaux, mais n'infectera pas l'homme, et réciproquement. Tout cela parce qu'il reconnaît ce qu'on appelle sur nos cellules les acides sialiques, et les acides sialiques qui sont présents chez les oiseaux sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui sont présents chez l'homme. Et l'hypothèse qui est faite, c'est que le virus, comme il sortait du réservoir aviaire, il avait finalement une affinité pour les acides sialiques humains qui n'était pas très bonne, ce qui fait que sa réplication, sa multiplication se faisait moins bien. Il le rendait malade, mais il n'était pas capable d'avoir un cycle d'infection extrêmement prononcé. Et puis, au fil du passage comme ça chez les hommes, il s'est amélioré, il s'est sélectionné des mutants qui avaient la capacité de mieux adhérer au récepteur, et c'est cette dernière mutation, en quelque sorte, qui a induit probablement, premièrement, une surmortalité parce que le virus adhérait mieux aux cellules humaines. Et la deuxième chose qui est aussi une hypothèse, c'est qu'on a une autre molécule du virus qui s'appelle la neuraminidase. Qui est le N de H5N1. C'est le N de H5N1, mais qui est le N de tous les HN, voilà, qui sert à classer les virus. Cette neuraminidase, elle sert à faire sortir les virus des cellules. C'est-à-dire que quand le virus a proliféré dans une cellule, à un moment donné, s'il veut aller pouvoir infecter une autre cellule, il faut qu'il se détache. Et c'est la neuraminidase qui fait ça. Eh bien, ce que l'on pense, c'est que la balance fonctionnelle entre l'hémagglutinine et la neuraminidase du virus de la fin de la première vague épidémique et donc du début de la deuxième vague épidémique de 2018 était excellente, ce qui faisait que ces deux protéines avaient un équilibre parfait. De 1918, pas de 2018. Bon, ça reste vrai, mais avec un degré moindre, ouais, bien évidemment, puisque l'impact n'est pas du tout le même. Mmh. Et ça a permis au virus, effectivement, d'avoir probablement un rôle pathogène particulièrement élevé et de collaborer avec les bactéries. De nouveau, hein, l'impact de la surinfection bactérienne était très important. Très importante. Oui, parce qu'on peut dire quelques mots encore de la spécificité de cette grande grippe dite espagnole de 1918. C'est que, donc, elle touche environ un tiers de la population mondiale. Il y a à l'époque 2 milliards d'habitants sur Terre. Une mortalité directe estimée entre 40 et 60 millions de personnes. Une mortalité étendue qu'on pourrait, selon certaines études, pousser jusqu'à 100 millions de personnes parce qu'on a constaté beaucoup de mortalité a posteriori avec des fragilités. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Je vous vois faire la moue, Patrick Zilberman, sur ces... Moi aussi, je secoue la tête. Hein, Dites-moi quelles sont vos évaluations à vous et quels sont les chiffres Très longtemps, des années 30, à la fin des années 70, on a dit 20 millions de morts globalement sur l'ensemble de la planète. Là, aujourd'hui, les historiens en sont à 50 millions. Je crois qu'on ne va pas continuer à faire monter les enchères, c'est ridicule. 100 millions, ça repose sur absolument rien, quoi. Bon, les 100 millions, oui, Bruno Lina. Juste pour vous dire que les 100 millions, les 100 millions que j'abordais, que j'avance ici, que j'ai lu en préparant cette émission, c'est en incluant la surmortalité qu'il y a pu avoir notamment chez les femmes et chez les femmes enceintes. Il y a eu une surmortalité très importante a posteriori pendant encore 2 ou 3 ans après l'épidémie. Voilà, ça, c'est une certaine étude que j'ai lue qui remonte à il y a 4-5 ans, mais vous pouvez tout à fait les contredire si vous ne les estimez fiables, Bruno Lina. Si on doit vraiment compter les décès observés pendant les 2 ou 3 vagues pandémiques de 1918 et c'était début 1919. Globalement, on s'accorde à dire que c'est quelque part entre 20 et 40 millions de décès. Il n'y a pas besoin de dire plus que ça, c'est gigantesque déjà. Donc, parce que, comme vous le disiez, ça représentait une population, une fraction de la population mondiale qui était que de 2 milliards d'individus. Replaçons-nous maintenant avec 7 milliards et demi, ce que ça représenterait, donc il faudrait multiplier le chiffre par presque 3. De fait, on rentre dans des chiffres astronomiques, quoi. Hein, et c'est surtout ça qui compte. Après, il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'il y en avait plus encore, mais je pense que c'est... Absolument. Alors arrêtons-nous entre 40 et 50 millions de morts de cette grippe. Juste un mot peut-être, Patrick Zilberman, sur le fait, et comme Bruno Lina vient de le dire, que du fait des surinfections bactériennes, la mortalité touchait particulièrement, et c'est assez surprenant par rapport aux grippes type saisonnière et aux populations les plus fragiles face à la grippe, c'est-à-dire les personnes âgées ou les enfants en bas âge. Là, j'ai pu lire dans ces études que j'ai consultées que les premières victimes étaient les personnes entre 20 et 40 ans, donc que ça touchait des gens plutôt jeunes. Oui, alors c'est ça, c'est une des caractéristiques de la pandémie 1918, c'est effectivement que contrairement à ce qui se passe ordinairement, où ce sont les deux extrémités de la vie qui sont spécialement menacées par la grippe, là on a cette fameuse courbe en W et non plus une courbe en U, avec les 15-40 ans qui ont été particulièrement fauchés. Alors, à ma connaissance, personne n'a encore expliqué pourquoi. Peut-être que Bruno a des infos. Bruno Lina. Non. Il y a des tas de conjonctures, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on s'est dit que ces groupes d'âge, 20-40 ans, c'était ceux qui participaient au combat. Donc c'était peut-être aussi. Ouais, mais. Il y avait une dynamique épidémique peut-être un peu plus importante. Et on ne sait pas finalement si les taux d'attaque dans toutes les tranches d'âge étaient strictement identiques, ou est-ce qu'il n'y avait pas eu finalement aussi un taux d'attaque particulièrement élevé dans cette tranche d'âge. Il y a malgré tout quelque chose à garder en tête, c'est que j'essaye d'expliquer régulièrement que les virus de la grippe ont leur signature. Et ces signatures, on les voit dès l'apparition de ces virus au moment de leur pandémie. En 1918, donc, on a eu ce virus qui touchait, comme Patrick Zilberman le disait, en W, c'est-à-dire les très jeunes enfants, comme d'habitude, les 25-40 ans, ce qui est assez inhabituel, et puis les personnes très âgées, mais finalement pas tant que ça. En 1968, ce que l'on a observé avec la troisième pandémie, c'est que le H3N2, qui est apparu, donc qui était de nouveau, c'était la grippe dite de Hong Kong, eh bien, on a vu dès le début de cette pandémie qu'elle touchait essentiellement les personnes de plus de 65 ans, et que la mortalité qui a été observée en France à l'occasion de cette vague pandémique, en 68-69, c'était 30 000 décès chez des personnes de plus de 65 ans, et quasi exclusivement dans ce groupe d'âge. Or, si vous regardez les épidémies saisonnières, alors, toutes choses confondues, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte pandémique, on est vraiment dans un contexte d'épidémie, eh bien, ça reste vrai. C'est-à-dire que le virus H3N2, il continue à tuer essentiellement les personnes âgées. Et le virus H1N1, qui est revenu en 2009, alors on pourrait lui refaire sa généalogie, mais c'est finalement un descendant quelque part du virus de 1918, eh bien, il garde cette signature. Et si vous lisez un petit peu ce qui se dit actuellement sur l'épidémie de grippe H1N1 en cours, c'est que les gens sont surpris du fait que c'est plutôt les adultes jeunes qui sont touchés, et on observe de la mortalité des séjours en réanimation pour des personnes qui sont âgés entre 35 et 55 ans. Eh bien, c'est de nouveau un reflet de la signature de ces virus lorsqu'ils émergent, et il faut le garder en tête parce que ça veut dire qu'on a des groupes qui ne sont pas tout à fait exposés au même risque. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas. C'est probablement une combinaison entre le tropisme du virus, la réponse immunitaire existante, les capacités de lutte contre les virus avec la réponse immunitaire innée ou adaptative. Mais aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire permettant d'expliquer pourquoi c'est plutôt tel tranche d'âge ou tel tranche d'âge qui est touché. Boogie, boogie, boogie. Yeah, yeah. Rocky Pneumonia and the Boogie Woogie Flu de Jerry Lee Lewis sur France Culture à 16h30, puisque nous parlons de la grippe tout au long de cette heure en compagnie de Bruno Lina qui est avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon. Bruno Lina qui est virologue au Centre National de Référence de la Grippe à Lyon, donc, et Patrick Zilberman ici en studio avec nous à la Maison de la Radio, professeur émérite d'histoire de la santé à l'École des Hautes Études en Santé Publique. Bruno Lina, vous le disiez tout à l'heure, hein, le virus de la grippe a été isolé au début des années 30. L'élaboration d'un premier vaccin arrive 10 ans plus tard. D'ailleurs, très peu de temps après l'observation au microscope électronique hein, de ces virus de la grippe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce qu'on a parlé de H et de N, vous nous avez parlé hein, tout à l'heure de l'hémagglutinine et de neuraminidase. Pardon. En fait, il y a trois grandes familles de virus de la grippe qui sont classées comme A, B et C. On a parlé beaucoup de la grippe A. Vous pouvez nous expliquer un peu comment s'organisent précisément ces différentes souches de virus grippaux ? Alors oui, il y en a même quatre maintenant, puisqu'on a découvert une nouvelle, il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an, c'est même des chercheurs français qui ont trouvé ça. Donc il y a des A, B, C et D aussi, mais qui sont strictement porcins et qui ne passent pas du tout chez l'homme. Chez l'homme, les virus qui sont responsables de l'épidémie de grippe saisonnière, c'est les virus de type A et les virus de type B. Le virus de type C circule chez l'homme, mais il ne donne finalement que des rhinites banales. On essaye un petit peu de trouver son pouvoir pathogène, mais on a beaucoup de mal. C'est un virus qui, biologiquement, est un tout petit peu différent des autres, parce que au lieu d'avoir une hémagglutinine et une neuraminidase qui sont séparées, il en a une seule protéine qui fait les deux. Donc, finalement, on s'y intéresse assez peu, ce virus, parce qu'il ne participe pas à la dynamique épidémique. Et dans l'épidémie de grippe, on a les virus de type A et les virus de type B, et à l'intérieur des virus de type A et de type B, il y a des sous-types. Mm-hmm. Pour la grippe humaine, on a le sous-type AH1N1 et le sous-type AH3N2. Ça, c'est ceux qui sont présents chez l'homme. Si on devait faire le décompte de ceux qui sont présents dans le réservoir animal, ça va de H1 à H18 et ça va de N1 à N11. Donc on voit qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles qui existent notamment chez l'oiseau et chez les chauves-souris. Dans les virus de type B, qui sont des virus qui sont a priori strictement humains, même si on a eu quelques cas d'infection, notamment dans les mammifères marins, on a deux lignages. Alors c'est pas tout à fait la même chose que des sous-types, parce qu'au départ, ces virus étaient tous, ils avaient le même ancêtre commun. Et dans les années 80, il y a deux groupes de virus qui se sont séparés antigéniquement. Et c'est ce qu'on appelle les lignages Yamagata et les lignages Victoria. Alors, c'est des noms invraisemblables, mais qui permettent, au moins pour les virologues, de savoir de quoi on parle. Et ces virus qui circulent, qui co-circulent, ces deux lignages de grippe B qui co-circulent, circulent de façon alternée, mais ils sont à un moment donné toujours présents sur Terre. Donc on a toujours des personnes infectées. Et comme ces virus sont aujourd'hui devenus trop différents les uns des autres, il a été nécessaire de modifier la composition du vaccin, on y reviendra peut-être, et à partir de l'année prochaine, le vaccin contre la grippe comportera 4 virus au lieu de 3, un virus H1N1, un virus H3N2, un virus B Yamagata et un virus B Victoria. La raison, le classement des virus se fait par leurs hémagglutinines, H1, H2, H3, etc. Mais à l'intérieur de ces virus, de ces lignages-là, il y a ce qu'on appelle des variants. Mmh. Et ça, c'est la conséquence de la pression immunitaire que l'on met collectivement sur ce virus. C'est ce virus qui est un virus. Qu'est-ce que vous appelez la pression immunitaire, Bruno Lina? La pression immunitaire, tout simplement, c'est que lorsqu'on est infecté, on fabrique des anticorps. Et l'immense majorité des personnes qui sont infectées fabriquent des anticorps qui vont permettre d'éliminer le virus. C'est ce qu'on appelle les anticorps protecteurs, qui sont même neutralisants. C'est-à-dire qu'ils sont capables de neutraliser le virus. Donc, comme notre système immunitaire est très bien fait, si on est réexposé au même virus et qu'on a ces anticorps neutralisants protecteurs, notre système immunitaire réagit immédiatement et détruit le virus avant qu'il développe l'infection. C'est là-dessus d'ailleurs que repose le principe de vaccination. On apprend à notre système immunitaire à lutter contre un agent infectieux de façon à ce qu'on ait les armes immunologiques qui nous empêchent d'être infectés. C'est l'immunité acquise. Mais ça, c'est l'immunité acquise à la suite d'une infection ou d'une vaccination. C'est pas l'immunité naturelle. L'immunité naturelle, c'est encore autre chose. Mais après, bon, on rentre dans de la sémantique, c'est un peu compliqué. Mais restons simples. Donc, ces virus qui sont des virus à ARN, hein, vous savez que soit on a de l'ADN, soit on a l'ARN, et l'ARN a la particularité, lorsqu'on est un agent biologique ARN, c'est qu'on fait des mutations. on mute tout le temps. Or, les virus, quand ils subissent une pression, ils ont tendance à muter. Le virus du sida, quand il subit la pression des antiviraux, il mute. Eh bien, le virus de la grippe, quand il subit la pression immunitaire, il mute. Et de la même façon, ces mutations consistent pour lui, même si un virus n'a pas de cerveau, ça consiste pour lui à échapper à la réponse immunitaire. Il va faire des mutations dans les zones qui sont reconnues par les anticorps neutralisants. Et comme on a des milliards et des milliards de virus qui sont produits chaque année du fait des infections, à un moment donné, immanquablement, on va avoir un virus qui va muter dans une zone qui est reconnue par les anticorps neutralisants et qui, de ce fait, va être en capacité de réinfecter quelqu'un qui a déjà eu la grippe. Il devient un variant d'échappement immunitaire. C'est ça la définition. Et c'est pour ça que quand on vous parle de composition vaccinale, on dit toujours c'est le virus A, H1N1, Michigan, 8, 2015. Ça, c'est le virus qui est dans le vaccin. Et parce que ça signifie pour nous que c'est du virus à H1N1, qu'il s'appelle Michigan et qu'il représente finalement un variant génétique et antigénique particulier qui signifie que c'est les virus le plus récent qui circulent. Avant le Michigan, on avait le California 4 et le California 7. Avant, on avait le Brisbane 60, etc., etc. Et c'est justement parce que ces virus évoluent en permanence qu'on peut être réinfecté par un virus de la grippe alors qu'on avait déjà eu la grippe avant. Donc c'est un phénomène, on définit ça comme le glissement immunitaire. Et ça, imaginez-vous, vous êtes sur une pente, une petite pente glissante, le sol est gelé, et vous avez, vous, une cible devant vous qui est fixée au sol. Et vous, vous êtes protégé par cette cible, c'est vos anticorps neutralisants. Et le virus, il vous tire dessus. Ben, la cible, elle vous protège. Seulement, vous êtes sur une pente glissante et petit à petit, la cible vous protège de moins en moins et elle finit par plus vous protéger du tout. Et à ce moment-là, le virus est capable de vous réinfecter. Patrick Zilberman, un mot sur... Enfin, ça explique beaucoup de choses, ça explique la contagion, ça explique le fait, et on va y venir dans quelques instants, que les virus ne soient pas toujours efficaces à la même hauteur, parce que précisément, comme vient de l'expliquer brillamment Brudolina, la mutabilité du virus de la grippe la rend particulièrement difficile à circonscrire et à interrompre même les épidémies saisonnières. Oui, enfin, ça explique aussi un certain niveau que j'appellerais un niveau d'histoire épidémiologique. Jeffrey Taubenberger, qui est l'un des artisans du séquençage du virus H1N1 en 2005, explique que nous sommes avec H1N1 dans une valse interminable, c'est-à-dire que H1N1 fait son travail, l'immunité humaine fait son travail, jusqu'au moment où H1N1 n'est plus capable de faire son travail. Il est donc éjecté. D'ailleurs, la question est de savoir où vont les virus une fois qu'ils sont éjectés de la circulation. Que deviennent-ils ? Et un autre virus doit venir à sa place. C'était en 57, H2N2, par exemple, qui avait remplacé H1N1. Et puis, en 68, H3N2, qui avait remplacé H2N2. Donc, il y a ce couple, si vous voulez, qui valse sans arrêt entre le virus d'une part, l'immunité humaine d'autre part, peut permettre de reconstituer, si vous voulez, une sorte d'histoire épidémiologique à très grande portée qui nous fait comprendre comment, si vous voulez, les virus vont et viennent, quoi. Ce qu'on peut préciser également, Brudolina, c'est que parfois certaines souches disparaissent du fait de la pression que vous venez de décrire, mais finissent par réapparaître. Et quand elles réapparaissent, eh bien, plus personne n'est protégé. Il n'y a plus de système immunitaire qui se souvient de cette souche et donc elle ressurgit comme H1N1, par exemple en 2009. Oui, alors il faut bien comprendre l'échelle de temps quand on parle de ça, parce que les virus, par exemple, le virus H3N2 qui est notre compagnon depuis 1968 en quelque sorte. Depuis Hong Kong. Ce virus, il a... oui, la grippe de Hong Kong de 68. Ce virus, une fois qu'il a été introduit chez l'homme, il persiste et actuellement il donne encore des épidémies. Rappelez-vous l'épidémie de l'année dernière. C'est un descendant du virus de Hong Kong qui a été responsable de la grosse épidémie H3N2 de l'année dernière. Et ce virus, il est toujours plus différent d'une année à l'autre. C'est-à-dire qu'il évolue inexorablement vers quelque chose de plus différent. Et l'hypothèse qu'on a faite, c'est un petit peu ce que disait Patrick Zilberman, c'est qu'à un moment donné, on pense que ce virus va avoir en quelque sorte, utiliser toutes les possibilités. Et à ce moment-là, il se retrouve dans un cul-de-sac, dans une impasse, où il n'a plus pouvoir continuer à évoluer. Et donc, c'est le moment où on pense qu'arrivent potentiellement d'autres virus qui sortent du réservoir animal. Et la genèse de d'une pandémie est probablement le fruit d'un épuisement du virus qui circulait chez l'homme et d'une opportunité par un virus qui sort du réservoir animal. Quand on parle de mémoire immunitaire, c'est très important parce que pour H1N1, c'est vraiment le cas. Le virus H1N1, quand il a disparu en 1957, en fait, il a disparu du réservoir humain, mais il n'a pas disparu de la planète Terre, puisque l'homme avait infecté le cochon avec ce virus. Et donc, le virus H1N1 a continué à circuler dans le réservoir animal, porcin. Et ça n'est que à l'occasion des réassortiments génétiques qui surviennent en 2009 que ce virus descendant de celui de 1918 a été réintroduit chez l'homme avec un certain nombre de modifications. Et lorsque l'on reprend un petit peu l'histoire de la pandémie en 2009, ce qui était très étonnant pour nous au départ, mais qu'on a compris après, c'est que lorsque l'on regardait les cas, il n'y avait pas de cas chez les personnes de plus de 65 ans. Pratiquement pas. Et au départ, c'était incompréhensible, parce qu'on s'attendait potentiellement à que ce soit justement là où on est le plus grand nombre de cas. Et lorsqu'on a disséqué ce virus et compris un petit peu le système immunitaire qui était présent et les défenses immunitaires qui étaient présentes chez les personnes de plus de 65 ans, on s'est rendu compte que ce virus qui était réémergé en 2009, finalement, ressemblait terriblement à un virus qui avait circulé entre 45 et 1950. Antigéniquement, ils étaient très proches. Donc, les personnes qui avaient été infectées par le virus H1N1 dans les années 45-50 avaient installé une réponse immunitaire qu'ils avaient stockée en mémoire, et notre mémoire immunitaire est souvent meilleure que notre mémoire cérébrale, et cette mémoire a été réactivée lorsqu'ils ont été exposés au virus de 2009, les protégeant très efficacement. Donc on voit que, c'est pour essayer de répondre à deux questions. Où vont les virus lorsqu'ils disparaissent? Ils retournent dans le réservoir animal, parce que l'homme infecte les animaux à son contact aussi. Donc le H2N2, quelque part, continue à circuler chez le porc, avec bien évidemment quelques évolutions, puisque ça fait maintenant pratiquement 40-50 ans qu'il y circule. Et à l'occasion de phénomènes épidémiques, ou de contacts entre les animaux et l'homme, eh bien il peut y avoir réintroduction d'un virus qui préalablement avait déjà circulé. Un autre élément très important également, et on l'entend hein, à l'aune de tout ce que vous venez de nous dire, Bruno Lina et Patrick Zilbermann, c'est évidemment la surveillance de l'apparition de nouveaux cas de grippe chaque année, et l'analyse épidémiologique qui est gérée aujourd'hui en France via un réseau de médecins généralistes, le réseau Sentinelle. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique à la faculté de médecine Saint-Antoine pour vous intéresser à ce réseau Sentinelle. Oui, et surtout pour retrouver Caroline Guérisy, qui est épidémiologiste, et Cécile Souty, biostatisticienne. Et chaque année, elle surveille l'épidémie de grippe à partir des données fournies par les médecins et pédiatres du réseau Sentinelle. À partir de ces informations, elles font des modèles sur l'évolution de la grippe, voire des prédictions sur la future souche virale qui pourra aider à la composition du futur vaccin. Nous, au niveau du réseau Sentinelle, alors c'est un système de surveillance et de recherche en soins primaires. Donc on a des médecins généralistes et des libéraux et des pédiatres qui participent à ce réseau de surveillance, et on va surveiller différents indicateurs de santé durant l'année en France grâce à ces médecins. Cécile Souty, je suis statisticienne au réseau Sentinelle. Et donc moi je travaille plutôt sur à partir des données des médecins sentinelles, donc qui nous rapportent les cas de syndrome grippo notamment qu'ils voient dans leur patientèle. Comment est-ce que ensuite on va pouvoir essayer d'estimer ce qui se passe sur le territoire au niveau de la grippe, donc notamment estimer ce qu'on appelle des incidences, donc le nombre de nouveaux cas par semaine de syndrome grippo, pour pouvoir ensuite donc détecter des épidémies, etc., et pouvoir faire des recherches rétrospectives sur ce qui s'est passé dans les dernières années sur les épidémies de grippe. En pratique, comment ça se passe? Au début de l'épidémie, vous commencez à récolter les informations? Alors en fait, on va suivre la grippe, enfin les syndromes grippaux tout au long de l'année. Du coup, les médecins, en fait, dès qu'ils voient des cas de syndrome grippaux pendant leur consultation, ils vont nous les déclarer soit via un site internet, soit via un logiciel qu'on a créé et qu'ils peuvent utiliser. Et en fait, nous, derrière, on va justement recomptabiliser tout ça et regarder ce qu'il en est au niveau national et dans les différentes régions. De quelles données on parle exactement ? Est-ce que vous avez une fiche pour chaque patient ? Est-ce que vous avez l'âge, le sexe de la personne, ses pathologies annexes ? Alors en fait, on n'a que des données qui sont complètement anonymes. Donc effectivement, le médecin va pouvoir dire qu'il a vu un cas de grippe chez une personne de 65 ans qui était vaccinée et qui était aussi, on peut rajouter ce qu'on appelle nous les facteurs de risque. Donc par exemple, la personne était diabétique ou elle avait une maladie cardiovasculaire. Et ce sont à peu près les seules informations dont on dispose. Donc c'est des informations qui ne permettent absolument pas de pouvoir identifier les patients. Ce qu'on va faire, ça va être surtout de la surveillance à partir des données qu'on va avoir. En fait, on va pouvoir suivre en temps quasi réel l'évolution des syndromes grippaux sur le territoire et être capable de savoir si on est en phase ascendante et du coup en épidémie ou si du coup on rediminue et qu'on se retrouve à des niveaux de base qu'on peut avoir quand justement il n'y a pas d'épidémie. On a aussi développé, donc vu qu'on est un institut de recherche, on fait aussi beaucoup de recherches sur les données qu'on collecte. Et donc on a développé plusieurs modèles qui nous permettent également d'avoir des informations sur la prédiction de ce qui va se passer. Donc des modèles qui nous permettent de savoir dans les prochaines semaines, donc c'est des modèles à court terme, on essaie d'estimer dans les 3 prochaines semaines qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire est-ce que l'épidémie va continuer d'augmenter ou est-ce qu'on a atteint son pic et qu'elle va redescendre, ce qui permet aussi d'informer les acteurs de santé, et notamment Santé publique France ou d'autres. Donc là, par exemple, on est à la 3e semaine de janvier. Est-ce que vous pouvez prévoir un peu l'évolution de cette épidémie ? Est-ce qu'elle est sur la pente descendante ? Alors là, en fait, on a passé le pic, donc on est en phase descendante. Mais il faut qu'on continue à surveiller avec les données qu'on a chaque semaine pour être sûr de son suivi. Est-ce que vous avez aussi des informations sur les différents types de virus ? On parle de virus H1N1, H3N2. En fait, en plus de la surveillance basée sur la déclaration en fait, d'avoir des cas de syndrome grippo ou pas par le biais des médecins, ils font aussi toute une surveillance virologique. Donc, ils vont prélever des patients. Et du coup, on va savoir si le patient avait un virus de type plutôt H1N1 ou B. Et actuellement, le virus qui circule majoritairement en France, c'est le virus de type H1N1. Vous me parliez de prédiction tout à l'heure. Est-ce que votre travail peut aider à la synthèse d'un meilleur vaccin pour la saison d'après ? Alors, on essaye de pouvoir anticiper au mieux ce qui va circuler dans les prochaines années, quoi. D'ailleurs, déjà dans les prochains mois. C'est quelque chose qui est très difficile parce que le virus peut muter très facilement. Et en fait, il y a donc des consortiums au niveau international qui permettent de faire des études sur les données qui sont collectées dans tous les pays pour essayer de comprendre un peu mieux et de prédire ce qui va se passer. Par exemple, là, c'est dans quelques semaines, il me semble, que le vaccin pour la saison en France, pour l'hiver 2018-2019, va être décidé. La composition du vaccin va être décidée dans quelques semaines pour l'année prochaine. Donc ça se repose sur ce qui s'est passé cet été dans l'hémisphère sud, mais aussi ce qui est en train de se passer dans l'hémisphère nord en ce moment. La circulation des virus grippaux, elle repose aussi sur le fait que les gens circulent beaucoup dans le monde et donc portent avec eux les virus grippaux et les apportent dans des pays et les diffusent, etc. Donc on commence à comprendre comment ça marche, mais on n'arrive pas à déterminer pour l'instant tous les facteurs qui entrent en jeu dans les virus qui vont circuler dans les prochains mois dans différents pays. Et donc on essaye de rechercher, donc c'est là l'importance aussi de la recherche, que ce soit en virologie ou en épidémiologie là-dessus. Mais pour l'instant, on n'a pas de modèle entre guillemets précis pour pouvoir déterminer ce qui se passe. Voilà le reportage du jour à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, hein, qui est à la faculté de médecine de Saint-Antoine. Votre réaction, Bruno Lina, Patrick Zilberman, à ce que vous venez d'entendre, notamment, c'est intéressant à la fin de ce reportage parce qu'on comprend bien à l'aune de tout ce qui a été dit et dans le reportage et dans tout ce que vous nous avez dit avant, la complexité d'établir le cocktail, le bon cocktail pour le vaccin de la saison prochaine, Patrick Zilberman. Bah, là encore, si vous voulez, on a une preuve supplémentaire du fait qu'on vit dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui de 1918. Il faut savoir que la surveillance de la grippe, si vous voulez, elle a d'abord pris corps au niveau international via l'OMS en 1947, avec la création du Centre mondial à Londres. Puis ensuite, ça s'est étoffé, mais ça s'est étoffé lentement. Pour ce qui est de la France, Lorsque Claude Hanoun reprend la direction du centre de référence de Pasteur en 71, il constate une chose, c'est que la surveillance et l'alerte, c'est zéro en France. Il n'y a rien. Donc, il s'attache, si vous voulez, à monter tout le processus. Et évidemment, ça prend un bout de temps. Les autorités sanitaires à l'époque, c'est-à-dire le ministère de la Santé, étaient obsédées par une chose, centraliser l'information. Donc centraliser l'information, ça n'était pas laisser au centre de référence, que ce soit celui de Pasteur ou celui de Lyon, l'initiative de la chose. C'était centralisé au niveau du ministère. Et évidemment, ça ne pouvait pas marcher. La surveillance et la vaccination, les deux armes fondamentales de réponse à une crise pandémique, eh bien, elles ont fait défaut pendant les deux dernières pandémies du XXe siècle, en 57 et en 68. Et ça n'est qu'après, si vous voulez, où on commence véritablement, et même un peu plus tard, à s'organiser vraiment, en tout cas en France et même au niveau international. Bruno Lina, sur la complexité de la composition de ces vaccins d'une saison sur l'autre, entre ce qui vient d'être dit dans le reportage, l'OMS est pilote hein, en général justement cette intervention au niveau international. Comment est-ce qu'on peut être sûr? Cette année, ça a bien marché. Par exemple, l'année dernière, le vaccin était peu efficace. Comment s'assurer d'une efficacité maximum? Comment essayer d'éviter les écueils comme celui de l'année dernière, par exemple? Ah, c'est compliqué. Mmh. C'est compliqué parce qu'en fait, on a affaire à un virus qui est vraiment... je reprends un terme de Claude Hanoun qui a été cité, c'est une cible mouvante, hein, c'est-à-dire qu'en permanence, il évolue. Et on essaye actuellement, avec des systèmes de recherche et des modèles, d'arrêter d'être des suiveurs pour être plutôt des anticipateurs. Et on essaye de monter un système qui ressemble finalement à la météorologie, c'est-à-dire d'essayer de prédire un petit peu ce qui va se passer. Et pour cela, on a besoin d'énormément de données. Clairement, l'OMS structure un réseau de surveillance de la grippe qui a fêté ses 65 ans cette année, qui est donc un réseau extrêmement dense, qui est probablement celui qui est le plus performant en termes de surveillance d'un agent infectieux, et avec pour objectif d'être capable d'identifier les nouveaux virus et de pouvoir choisir une composition vaccinale optimisée afin d'éviter les impacts majeurs des épidémies de grippe. Et pour cela, on se réunit deux fois par an, pendant 3 jours, où on fait une synthèse de l'ensemble des données qui existent. C'est en général pour le choix du vaccin de l'hémisphère sud, ça se passe la 3e semaine de février à Genève. Et on s'appuie sur l'ensemble des données collectées, on compare les virus qu'on a, on fait leur carte génétique, on fait leur carte antigénique, on regarde qui est-ce qui a évolué, on regarde les dynamiques des virus pour savoir si c'est des virus qui ont tendance à être responsables de gros foyers ou si c'est inversement des virus qui donnent peu de cas secondaires. Et sur la base de l'ensemble de ces données, qui nécessitent 3 jours de travail très intense, on fait une proposition de composition vaccinale qui est ce qui est donné ensuite aux producteurs de vaccins. Ils n'ont pas le choix sur la composition du vaccin, c'est l'OMS qui décide quels sont les virus qui sont dans le vaccin. Mmh. Et tout l'enjeu derrière est d'avoir le meilleur choix pour que, premièrement, on ait effectivement mis les souches qui soient les plus récentes dans le vaccin et qui sont celles qui potentiellement peuvent être responsables de l'épidémie. Et derrière, on croise toujours un petit peu les doigts parce que entre le moment où on décide d'une composition et le moment où l'épidémie survient, il se passe 6 mois. Les 6 mois, c'est très long. C'est très long parce qu'il peut y avoir des mutations qui surviennent dans cette période-là, qui sont forcément des mutations que l'on ne peut pas prédire, que l'on ne sait pas prédire actuellement, et on peut se retrouver avec un virus mutant qui n'est donc pas celui qui est dans le vaccin, et derrière avoir des échecs vaccinaux qui sont parfois majeurs. Se pose évidemment hein, la question depuis un certain temps de ce qu'on appelle un vaccin universel. Frédéric Tanguy, qui est responsable du laboratoire de génomique virale à l'Institut Pasteur, dit que la façon dont nous concevons les vaccins est mauvaise. Les formules ciblent l'hémagglutinine, or cette protéine de surface, si elle est la cible naturelle pour le système immunitaire, est aussi la plus instable. Est-ce qu'il faut changer de tout au tout la façon de faire des vaccins contre la grippe, Bruno Lina? Mais clairement, les vaccins ne sont pas satisfaisants. On voit, si vous reprenez les données de l'année dernière, on avait des efficacités vaccinales qui oscillaient entre 40 et 25%. Donc c'est vraiment pas ce que l'on souhaite, surtout si on dit que la grippe est un enjeu de santé publique majeur et qu'il faut vraiment faire quelque chose pour éviter d'avoir cette épidémie. Donc les vaccins tels qu'ils sont faits actuellement ont leurs limites. Ils ont leurs atouts, mais ils ont leurs limites. Et je pense que aujourd'hui, beaucoup de monde s'accorde, et je fais partie des gens qui disent qu'on ne peut pas continuer à utiliser des vaccins tels que ceux que l'on a actuellement, il faut faire évoluer ça. Une fois qu'on a dit ça, c'est 10 à 15 ans de recherche. Et derrière, ça suppose aussi, quelque part, de faire des vaccins qui sont mieux que ce que la nature est capable de faire. L'hypothèse de travail qui est la plus savoureuse et la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle le vaccin universel. Mmh. Ce vaccin universel, c'est un vaccin qui, lorsque vous l'administrez, vous protégerait contre tous les virus de la grippe, même les nouveaux variants. Or, on sait bien que lorsqu'un individu est infecté par un virus de la grippe, aujourd'hui, il est réinfectable. Donc on va demander finalement à fabriquer un vaccin qui fait mieux que ce que la nature est capable de faire. Or, on a des atouts. Parce qu'on a identifié dans le virus de la grippe deux ou trois domaines qui sont extrêmement conservés entre les différents virus. Et potentiellement, si on arrive à induire une réponse immunitaire vis-à-vis de ces régions très stables du virus et d'entraîner une réponse immunitaire protectrice, on devrait être capable de faire ce vaccin universel. Ce serait, imaginez, un vaccin qu'on ferait une fois tous les cinq ans, avec la même dose, le même virus, et qui vous protégerait contre tous les virus, même potentiellement contre un virus pandémique, c'est-à-dire un virus qui sort du réservoir aviaire. Ces zones très stables, voilà. Bruno Lina, c'est par exemple la tige de l'hémagglutinine au lieu de la tête. Exactement, je vois que vous avez bien travaillé. Merci. Donc la tête de l'hémagglutinine, c'est là où se trouve le site d'attachement récepteur, c'est la cible principale des anticorps neutralisants. Mais c'est la zone la plus variable parce que c'est celle qui est mise sous pression immunitaire, c'est elle qui subit les modifications. La tige, c'est une zone fonctionnelle, c'est une zone qui ne peut pas trop changer pour le virus parce qu'il en a besoin pour faire l'infection, pour faire l'entrée du virus directement. Une fois que le virus s'attache, il faut qu'il rentre. Eh bien, c'est par sa tige qui rentre. Or, il y a certaines régions de cette tige qui sont extrêmement conservées, mais qui sont très difficiles d'accès pour le système immunitaire. Malgré tout, on a des données chez l'animal qui montrent que si on arrive à immuniser correctement, on trouve des taux d'anticorps protecteurs qui permettraient de effectivement bloquer l'infection et de donner une protection universelle. Patrick Zilberman, pour conclure, le vaccin universel, Bruno Lina dit, c'est 10-15 ans de recherche. Ces 10-15 ans de recherche, elles n'ont pas déjà commencé, elles n'ont pas été anticipées. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut advenir à moyen terme ? C'est certainement du moyen terme. De toute façon, les vaccins contre la grippe, c'est du moyen terme. Lorsqu'on a commencé à vacciner en 1945, l'efficacité a été absolument négligeable. On connaissait mal la composition antigénique du virus. On n'avait pas encore compris qu'il fallait que le vaccin contienne la souche en circulation pour être efficace. Et puis, lors des pandémies de 57 et 68, ça a été parfois assez folklorique. En France, par exemple, Pasteur, en 57, préparait un vaccin contre H1N1, alors que c'était H2N2 qui circulait. Quelque chose d'équivalent en 68. Donc, si vous voulez, les fabricants, d'un côté, étaient carents, non seulement dans la définition de la formule vaccinale, mais dans la fabrication même, dans la production des doses. Et puis, les autorités n'étaient pas non plus capables de les guider. Donc, effectivement, c'est du moyen terme. Oui, il n'y a pas de doute. Eh bien voilà, c'est du moyen terme qui nous donnera l'occasion de revenir faire une émission consacrée précisément à ce vaccin universel et aux différentes pistes de recherche que nous n'avons pas eu tout le temps d'aborder. On n'a pas parlé des interférons par exemple, on y reviendra dans une prochaine émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, merci Patrick Zilberman, merci Bruno Lina d'avoir accepté notre invitation. Merci également aux camarades des studios de Radio France à Lyon pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Sarah Ijman, Céline Lozène, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est comme chaque lundi, une nouvelle semaine de LSD, la série documentaire consacrée tout au long de la semaine à cet étrange désir de posséder des œuvres d'art. C'est dans quelques minutes, une série signée Perrine Cavran et Diffy Mariani. Tout à l'heure, après le journal de 18h à 18h20, la France maltraite-t-elle ses migrants ? C'est la question qu'Hervé Gardette posera à ses invités du Grain à Moudre. Et pour ce qui nous concerne demain, invité spécial dans la méthode scientifique, l'homme qui a passé le plus long séjour dans la Station Spatiale Internationale, 340 jours d'affilée. Scott Kelly sera avec nous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.